Le quotidien coréen de Dong Sinmun en date du 31 mai a présenté un commentaire militaire sous le titre « Mascarade écœurant à Hiroshima ». Récemment, le président américain Obama a visité Hiroshima, Japon, ville de martyr où la bombe atomique larguée pour la première fois dans l'histoire humaine par les États-Unis a causé la mort d'environ 260 000 habitants innocents. Le monde a observé sa visite, la première pour un président américain, et il a pensé qu'à cette occasion, Obama présenterait les excuses officielles au peuple japonais et à l'humanité en tant qu'auteur des catastrophes nucléaires, et qu'Abe, en suivant son exemple, ne poursuivrait plus la régression militariste en proie à la chimère de sphère de coprospérité de la grande Asie orientale. Mais les faits se sont déroulés contrairement à l'attente des gens. Loin de la conscience de culpabilité, Obama a visité divers endroits de Hiroshima, tel un voyageur ou touriste, et parlait seulement d'un monde sans armes nucléaires et de commémoration des victimes de guerre. À côté du voyou maudit, Abe s'est efforcé de tout son mieux pour souligner que son pays est victime de la bombe atomique, feignant le malheureux, tel un commerçant sournois. La dernière visite d'Obama à Hiroshima montre le but américain d'acquitter le Japon des crimes du passé pour susciter sa régression militariste afin de dominer facilement l'Asie-Pacifique. De son côté, Abe a profité de la visite d'Obama à Hiroshima pour se faire victime matérialisée afin de se débarrasser de la responsabilité des dégâts innombrables causés dans la guerre aux pays asiatiques et de promouvoir dynamiquement la renaissance militariste. Lors de sa tournée à Hiroshima, Obama n'a pas caché son dessein de la guerre nucléaire, décidé même à faire de notre République la deuxième ville de Hiroshima s'il s'agit de l'ambition d'agression. Plus les États-Unis recourent comme maintenant aux menaces et chantages nucléaires ainsi que la guerre nucléaire, et que le Japon s'avise effrontément à rejeter et à éviter les excuses pour le passé, plus leur fin sera pitoyable.